faire passer plus vite que je pensais. C'est pas la première fois, je crois. J'étais pauvre donc pas dépensier. J'ai compté plein de fois. Maintenant je suis devenu un peu dépensier. Si je veux, j'en achète un, deux, trois. J'en fous avec ses faiblesses. Ce soir encore mon chargeur est plein. Je vais le vider dans la tête, j'ai mal l'air des miens. J'ai fait des fautes, mon Dieu pardonne-moi. Mais malgré tout je reste défendeur du bien. Mon âme reste éveillée mais mon cœur éteint. Mes croyances sur ce monde sont en perdition. J'espérais voir ma tante en rémission. Pourquoi Dieu ne lui accorde pas cette permission? J'ai des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ma prison intérieure me barricade. Je me méfie d'elle, je me méfie d'eux. Je me méfie de la mère quand elle paraît calme. Faire du mal à son cœur pour le réparer, c'est comme rayer le visage de son existence. J'avance vers un trait pour le démarrer. C'est la seule manière de prendre mes distances. J'apprends à pardonner sans vieillissant. Les démons de ma tête sont envahissants. Solo dans le bendo, solo dans le bendo. La pente noire est vraiment très glissante. Ces bâtards ne savent pas de quoi mon cœur est fait. Pense que je passe des nuits où je fais que rêver. Mais les cauchemars achètent leurs armes avec les pièces que je laissais plus jeune sous mon oreiller. Ouais. L'hiver est passé plus vite que je pensais. C'est bien la première fois, je crois. J'étais pauvre donc pas dépensier. J'ai compté plein de fois. Maintenant je suis devenu un peu dépensier. Si je veux, j'en achète un, deux, trois. J'en fous avec ses faiblesses. Mais je ne suis pas une. Non, non, non. Yeah, yeah. Je n'ai plus besoin de toi. Yeah, yeah. Je n'ai plus besoin de toi. Yeah, yeah. Je n'ai plus besoin de toi. Yeah, yeah. On est nerveux, on sait pas être comme. Je fais un vœu comme ma cigarette crame. Malgré moi, je suis un peu kamikaze. J'aime bien voir comment son cœur éclate. Je suis bloqué dans un tunnel sans fin. Asséché, j'ai les prunelles dans le vent. À 200 dans une ruelle sans frein. C'est facile de se tuer sans flingue. C'est pas dans une flaque d'or qu'on fait des longueurs. J'aime me dire que ma liasse a pris des rondeurs. Y'a de la pluie sur la Montclair. Quand on perd la foi, on prie puis on pleure. Papa et Eva qui sont stress. En criant maman, tire sur une sans cesse. Pourquoi tu m'as fait croire qu'elle allait mourir à cause d'un cancer? J'ai couplé ma peine en vivant le NSI. J'ai la haine d'être celui que mes ennemis ciblent. Tu m'appelles mais j'ai plus la tête ici. Tu m'appelles mais j'ai plus la tête ici. Où elle mais j'ai plus la tête ici. Tu m'appelles mais j'ai tu m'appelles ici. J'ai plus la peine mais j'ai plus la tête ici. Tu m'appelles j'ai plus la tête. L'hiver est passé plus vite que je pensais. C'est bien la première fois je crois. J'étais pauvre donc pas dépensier. J'ai compté plein de fois. Maintenant je suis devenu un peu dépensier. Si je veux j'en achète un, deux, trois. J'en fous avec ses faiblesses. Mais je ne suis pas une proie. Non, non, non. Yeah, yeah. Je n'ai plus besoin de toi. Yeah, yeah. Je n'ai plus besoin de toi. Yeah, yeah. Je n'ai plus besoin de toi. Yeah, yeah. Ça, c'est un passeport, là. Ouais.